franceinter.fr. Aujourd'hui, en partenariat avec le journal Libération et à la lumière d'une actualité brûlante, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de la guerre de succession à l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. C'était le 18 novembre 2012. À l'époque, ce n'est pourtant pas si vieux, les deux hommes étaient au coude à coude. 4 ans plus tard, l'un triomphe, François Fillon, l'autre, Jean-François Copé, est réduit en miettes, 0,3% des suffrages. Lors de la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017, c'était dimanche. L'écart entre les deux atteint 44% des suffrages. Au lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, Jean-François Copé a 48 ans. Il est maire de Meaux et député. Il gère et dirige les affaires du parti en tant que secrétaire général. Le second, François Fillon, de 10 ans son aîné, a été pendant 5 ans le premier ministre de Nicolas Sarkozy avant de redevenir député de Paris lors des législatives de juin 2012. La campagne pour l'élection du président de l'UMP est alors musclée, âpre parfois, normale en quelque sorte. Mais le soir de l'élection, la situation se gâte, car chacun revendique la victoire. C'est pas lui, c'est moi. Débute alors une crise dont la longueur et la violence n'ont d'égal à droite que le grand schisme de 1995 provoqué par la rivalité Chirac-Balladur. Pendant plusieurs semaines, jour après jour, les Français vont être témoins d'un parti au bord de la crise de nerfs, à deux doigts de la rupture, face à cette bataille entre deux candidats hostiles totalement opposés, Copé et son image de bad boy, contre Fillon et son allure de bourgeois conservateur. Pour parler de cette élection de 2012 et bien sûr des primaires d'aujourd'hui tant la résonance est forte, nous recevrons en seconde partie Alain Auffray, journaliste politique au journal Libération, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Henri Bérec. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Octobre 2012, Studio de France Télévisions. Ce soir, la campagne pour la présidence de l'UMP fait une halte dans l'émission des paroles et des actes de David Pujadas, un rendez-vous incontournable. Chacun dans leur loge, les deux candidats se préparent. Ils répètent leurs arguments, peaufinent leurs ripostes, imaginent les pièges à éviter. Sur les bancs du public, on reconnaît les colistiers de deux candidats, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse côté Fillon, Luc Chatel et Michel Tabarot côté Copé. L'entente est cordiale, du moins en apparence. 20h50, l'émission commence. François Fillon est le premier à monter sur le ring. Depuis sa candidature, l'ancien Premier ministre caracole en tête des sondages, selon lesquels il incarne le mieux les valeurs de la droite et paraît le plus compétent. D'ailleurs, pendant ce long oral télévisé, il reste égal à lui-même. Il se positionne en homme d'État, met en avant ses réformes sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il répond à chaque question de façon posée, avec calme et pédagogie. Les journalistes reviennent sur les instants de la campagne et les différentes déclarations et interviews du candidat, notamment celles qu'il donna au journal Le Point. Dans cet entretien, l'ancien locataire de Matignon marquait sa différence face au sarkozysme, prônant, je le cite, « plus de sérénité et de pragmatisme ». Pour Jean-François Copé, le choix est clair. Si Nicolas Sarkozy revient, il sera à ses côtés. Absent mais omniprésent, du Sarkozy pur jus, tout au long de la campagne, l'ombre de l'ancien président plane. Autour du maire de Meaux, d'ailleurs, on retrouve des anciens proches du président, Patrick Balkany, Brice Hortefeux, et même Patrick Buisson, qui devient son conseiller lors de la campagne. Nicolas Sarkozy, lui, ne souhaite pas prendre parti, mais donne tout de même quelques signes d'attention. En septembre, par exemple, son fils Jean invite le candidat Copé à un café-débat. En octobre, c'est l'ex-président lui-même qui entre en scène en remettant dans ses bureaux l'Ordre national du mérite à Jérôme Lavrieux, directeur de campagne de Jean-François Copé. Autant de signes très clairs en faveur du maire de Meaux qui se rêve comme le seul héritier du président. Sur le plateau, le candidat secrétaire général se montre énergique, combattant et pugnace. À l'inverse de son concurrent, son discours est construit en direction des militants. Il prône une politique du parti basée sur la résistance face aux réformes de François Hollande. Comme il l'a fait tout au long de la campagne, il souhaite être le chef d'une droite décomplexée, quitte à jongler avec les peurs, comme lors de son meeting à Draguignan, où il raconte l'anecdote d'un jeune qui se serait fait arracher son pain au chocolat par des voyous, sous prétexte qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Bref, son axe de campagne, c'est la ligne dure du parti qu'il croit majoritaire. Après plus d'une heure d'émission où chacun s'exprime de son côté, les deux candidats débattent face à face. Oh, les nuances sont minimes, l'échange est amical, comme le fut la campagne, affirme Jean-François Copé. Cette campagne se passe remarquablement bien. Enfin, attendez, il y a entre François et moi un respect total. On a effectivement des différences, mais on a surtout beaucoup de points communs et c'est heureux, on est de la même famille. Et que même si le fait qu'il y ait une élection fasse qu'on ait chacun dans nos meetings respectifs en train de dire qu'on est chacun, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, des gens extraordinaires, il n'en reste pas moins qu'au lendemain du 18 novembre, que les rassemblements, enfin en tout cas pour moi les choses sont très claires. C'est d'autant plus essentiel que ce qui se passe à gauche est tellement grave pour notre pays que l'UMP ne peut absolument pas se permettre le luxe de la moindre division. Loin des divisions pourtant. Un mois plus tard, le 18 novembre, au soir de l'élection, rien ne se passe comme prévu. Au contraire, l'UMP explose en direct. La cohésion espérée vole en éclats. Alors, que s'est-il passé? Et surtout, qui en sortira vainqueur? Novembre 2012, 9h. Dans toute la France, près de 650 bureaux de vote ouvrent leurs portes. Plus de 300 000 militants de l'UMP sont invités à désigner leur nouveau président, à valider une nouvelle charte et à se positionner selon différentes motions. Trois votes, trois bulletins et autant de signatures pour chaque vote. L'élection se déroule à l'ancienne avec cahier d'émargement, bulletins, procurations, urnes et isoloirs. Dès les premières heures, les militants sont au rendez-vous. Mais dans certaines fédérations, le temps d'attente pour pouvoir voter s'allonge de plus en plus. Alors l'équipe de François Fillon s'inquiète. Et pour marquer le coup, l'ancien Premier ministre décide de faire la queue à Paris avec les militants de sa fédération. C'est la première image étonnante et inhabituelle de cette affaire. Devant l'école, dans l'escalier et enfin dans un long couloir, il avance lentement, très lentement. Il lui faudra plus d'une heure trente pour pouvoir voter. Cette image atypique fait le bonheur des chaînes d'information tout au long de l'après-midi. En province, même constat, même retard. Les difficultés commencent. C'est Michel Tabarot, colistière de Jean-François Copé, qui parle la première d'irrégularité et de fausses procurations dans certains bureaux des Alpes-Maritimes. Christian Estrosi, maire de Nice, soutien de François Fillon, directement accusé, répond d'abord sur Twitter, où il met en cause les règles de vote imposées par Jean-François Copé. Puis, d'un ton assuré et amusé, face aux journalistes de France 3, il rétorque « À Nice, tout va bien ». Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de contestations dans d'autres départements, mais au moins ce soir on dira « Dans les Alpes-Maritimes, rien à dire, c'était transparent ». Les heures passent, les bureaux de vote ferment, le dépouillement commence. Jean-François Copé, François Fillon. Jean-François Copé. Jean-François Copé. François Fillon. Chaque camp se retranche dans ses bureaux. Jean-François Copé et son équipe s'installent rue de Vaugirard, au 8e étage du siège de l'UMP. Les partisans de François Fillon sont, eux, au café du Centenaire, boulevard de la Tour Maubourg, à Paris. Au fur et à mesure de la remontée des votes, la confiance des derniers jours laisse place au doute, car le vote est serré, très serré. Les deux équipes doivent attendre les résultats officiels de la commission de contrôle, dite COCO-E, avant de triompher. Mais à 23h30, à la surprise générale, Jean-François Copé prend la parole. Accompagné de ses soutiens, il annonce sa victoire. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP avec à mes côtés Luc Chatel et Michel Tabarot. Je veux vous dire que c'est pour moi une grande émotion et aussi une grande reconnaissance que de voir qu'un grand parti politique comme le nôtre, qui a connu bien des difficultés ces derniers mois avec les défaites que nous avons connues, a décidé de redresser la tête et de répondre à l'appel à la résistance que je leur avais lancé. Prenant les caméras et l'opinion à témoin, le secrétaire général se désigne vainqueur, tel un général putschiste, comme diront certains éditorialistes. Effectivement, pourquoi n'a-t-il pas attendu le résultat officiel ? Les souvenirs de cette soirée en fait divergent, selon les camps. Du côté des copéistes, on se souvient que c'est Jérôme Lavrieux, directeur du cabinet de Jean-François Copé, qui annonce le premier la victoire, avec près de 1000 voix d'avance. Et c'est également lui qui informe son camp d'une possible déclaration de François Fillon à la télé pour annoncer non pas sa défaite, mais sa victoire. Pourtant, côté Fillon, tous assurent qu'aucune déclaration n'était prévue avant l'officialisation des résultats. Effectivement, pour eux, la victoire était courte mais réelle. Mais ces tendances étaient annoncées en off seulement. Après la déclaration de Copé, François Fillon décide lui aussi de prendre la parole. Nous avons remonté tous les résultats de toutes les fédérations de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224 voix. Ils ne seront définitifs que lorsque la commission chargée du contrôle des opérations de vote les aura proclamées. J'attends donc, comme le veulent nos statuts, avec sérénité, cette proclamation qui doit intervenir dès que la commission aura fini les vérifications qu'elle est en train de conduire. Ce 18 novembre, peu avant minuit, l'UMP a donc deux leaders, mais pas de chef légitime. Une crise débute et la nuit commence à peine pour les membres de la COCOE qui poursuivent leurs travaux. 19 novembre, 8h. Au réveil, des millions de Français découvrent eux aussi les événements de la nuit. Les plateaux des matinales deviennent le nouveau ring des déclarations et des piques entre les deux camps. Jean-François Copé réaffirme sa victoire dans les médias et parle de bourrage d'urnes dans 3 ou 4 bureaux dans les Alpes-Maritimes et à Paris. Dans l'autre camp, Laurent Wauquiez sur France Inter, Christian Estrosi sur France Info appellent au calme, annoncent qu'ils attendent sereinement le résultat de leur COCOE, mais réaffirment eux aussi les scores de la veille. Toute la journée, les mêmes déclarations, les mêmes critiques. L'élection tourne au numéro de cirque qui recommence toutes les heures. Vers 22h, enfin, le dénouement semble proche. Après une journée marathon, Patrice Gélard, président de la COCOE, s'avance vers la salle de presse. C'est un petit homme au visage rond et doux à l'image de sa carrière. Éminent juriste, professeur d'université, élu au Sénat, il est d'une nature, disons, discrète. Ce soir-là, pourtant, il entre en pleine lumière. À 22h04, il annonce les résultats. Je vais vous donner maintenant les résultats. Ont obtenu Jean-François Copé, 87 388 voix, soit 50,03%. Et François Fillon, 87 290 voix, 49,97%. Jean-François Copé a été élu président de l'UMP avec 98 voix de plus que François Fillon, bien loin des 1000 voix d'avance de la veille. Dont acte, l'ancien Premier ministre accepte sa défaite, mais parle d'une fracture morale et politique. Le coup est rude, le favori des sondages a perdu. Peut-il encore espérer concourir pour l'élection présidentielle de 2017 ? Après cette défaite, la question se pose. Le lendemain matin, Patrice Gélard confirme le vote devant le bureau politique. Ainsi, l'UMP semble sortir de la crise du week-end. Le soir même, Jean-François Copé est au journal de 20h de TF1. Alors il parle de l'avenir et il se positionne comme le chef de l'opposition au pouvoir socialiste. Une posture idéale pour l'avenir. François Fillon, lui, rassemble ses proches et imagine avec eux le nouveau chemin de sa vie politique. Bien. Mais une personne s'interroge. Il s'agit d'Isabelle Schmitt, collaboratrice de François Fillon et ancienne chef de cabinet de la secrétaire d'État Nora Berra. Depuis l'annonce des résultats de la COCOE, elle ne dort plus, car elle aussi a vérifié chaque PV et pointé le nombre de bulletins pour chaque département. Et à chaque fois, elle retombe sur le même écart, plus 26 pour François Fillon. Le mardi, soit le lendemain des résultats officiels, elle obtient les tableaux de la COCOE et décide de faire une dernière vérification, ligne après ligne. Et quand elle arrive au département des Français de l'étranger, d'outre-mer, elle n'en croit pas ses yeux. Il manque 3 résultats. Ceux de Wallis et Futuna, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, les 3 seuls départements et territoires d'outre-mer qui n'ont pas voté par correspondance mais dans les bureaux de vote, soit 1304 voix oubliées ou enlevées. Très vite, elle enregistre les preuves sur deux clés USB et débarque au QG de campagne. Elle prévient Frank Robin, le directeur de cabinet de l'ancien Premier ministre. Il note, mais il ne dit rien. Il préfère une nouvelle fois vérifier lui aussi avant d'alerter tout le monde. Dans le même temps, la COCOEUF publie les résultats du vote des motions. Et là encore, surprise! À la colonne français d'étrangers d'outre-mer, les trois départements sont de nouveau indiqués. Pour les proches de François Fillon, désormais les choses sont claires, ceux d'en face ont triché. À minuit, Franck Robin appelle François Fillon, la guerre redémarre. Tu vois, on danse, le corps on le balance, on se touche, on s'embrasse la bouche, tiens même, v'là qu'on se dit qu'on s'aime. Mais c'est que de la crème, de la pommade rose, pour cacher les choses, du petit plaisir, pour pas tout seul dormir. Tu vois pas qu'on s'aime pas, tu vois pas qu'on s'aime pas, on s'aime pas. Alors là t'es seul, ça te pique dans ton œil, t'as envie de parler, de faire kili kili, mais pomme, t'es là pour personne, et c'est tout le monde pareil, retourne dans ta piole, même si tu miaules. Le monde s'en fout, le monde s'en fout. Tu vois pas qu'on s'aime pas, tu vois pas qu'on s'aime pas, on s'aime pas, on s'aime pas, on s'aime pas. Dans l'organisation du scrutin hors métropole, les fédérations outre-mer et français de l'étranger votaient par correspondance, à l'exception de trois fédérations, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte. Ces trois fédérations n'ont juste pas été prises en compte dans le calcul final. 1304 militants ont été privés ainsi de leur choix. Leur réintégration conduit donc à ce résultat. François Fillon, 88 000, 4 voix. Et Jean-François Copé, 87 000, 978 voix. L'oubli pur et simple de ces trois fédérations est de 1304 militants. Elle doit évidemment être réparée. Nous demandons donc à la COCEE que les résultats soient simplement rétablis. Je vous remercie. Le mercredi 21 novembre, dans une salle de l'Assemblée nationale, la contre-offensive est lancée. Par la voix d'Éric Ciotti que vous venez d'entendre, le camp de François Fillon attaque. Le matin, François Fillon lui-même joint directement Patrice Gélard. Au téléphone, le président de la COCOE confirme l'oubli et l'inversion du vote final en faveur de l'ancien Premier ministre. Incroyable. François Fillon rassemble alors ses proches, appelle des poids lourds du parti, dont Alain Juppé. Il consulte, écoute, puis il tranche. D'abord, il souhaite mener la bataille judiciaire. Dès le mercredi, ses équipes d'avocats élaborent une stratégie au niveau civil. Puis, c'est sur le terrain médiatique qu'il souhaite reprendre l'initiative. La conférence de presse de ses lieutenants n'est qu'une étape. Le soir même, François Fillon répond aux questions de Gilles Boulot sur TF1. Et chaque mot est pesé, réfléchi, ciblé. Après quelques minutes d'explications sur les derniers événements, il déclare renoncer à la présidence de l'UMP et appelle Alain Juppé à constituer une équipe pour proposer une sortie de crise. Puis il ajoute L'UMP ne peut pas vivre sur un mensonge. La présidence de l'UMP ne peut pas reposer sur l'oubli, si c'est un oubli, de trois départements. Imaginez-vous le président de la République française qui serait élu alors que trois départements français n'auraient pas été comptabilisés dans son élection. Enfin, c'est invraisemblable, c'est une erreur énorme, manifeste. Il n'y a jamais eu, à la direction de l'UMP, une véritable instance indépendante, impartiale, qui soit capable de régler des contentieux comme cela. Donc je ne renonce pas du tout à déposer un recours. Mais si je dois déposer un recours, ça sera devant la justice. Il faut que chacun comprenne bien, et je le dis aux Français qui nous regardent ce soir, j'irai jusqu'au bout. Si personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas en place une équipe provisoire pour diriger l'UMP, alors oui, je déposerai un recours devant la justice. Pendant cette intervention, Jean-François Copé, que François Fillon continue de qualifier de secrétaire général, est dans les locaux de France 2. Il attend patiemment la fin de l'interview pour répondre à son tour aux accusations. Depuis le début, la télé est la scène privilégiée de ce combat. Sur le plateau de David Pujadas, le président autoproclamé de l'UMP réaffirme les statuts du parti et rappelle que la Commission nationale des recours est faite justement pour ce genre de réclamation. L'interview se termine, l'UMP reste dans l'impasse. Le lendemain, Alain Juppé accepte de jouer le rôle de médiateur et propose la création d'une instance collégiale pour réexaminer les résultats. Dans le même temps, l'apaisement prôné la veille par Jean-François Copé vole en éclats en début d'après-midi. Jérôme Navrieux, son directeur de cabinet, contre-attaque. En direct à la télé, toujours, il entame un long réquisitoire où il met en cause nommément Éric Ciotti et Christian Estrosi. Nous souhaitons à notre tour apporter plusieurs éléments d'information. Nous ne voulions pas aborder dans le détail des cas précis pour préserver l'unité et l'intégrité de notre mouvement. Nous ne voulions pas mettre sur la place publique les turpitudes délibérées de l'entourage zélé de M. Fillon. Mais les mises en cause récentes, y compris personnel, nous oblige à le faire, bien qu'à contre-cœur. À titre d'exemple, je vais prendre le bureau de vote numéro 1 des Alpes-Maritimes. Comment accepter les leçons de M. Éric Ciotti, dont le propre bureau de vote, le bureau de vote numéro 1, est entaché d'irrégularités grossières? Voici les documents qui le prouvent. Il s'agit d'une photographie prise par mes soins lors de la réunion de la COCOE, du procès-verbal examiné en son sein. Ce PV, rédigé sous le contrôle d'un huissier et approuvé par les représentants des deux candidats, c'est-à-dire y compris ceux de M. Fillon, constate notamment qu'il y a 128 enveloppes de trop par rapport au nombre de votants ayant émargé. 128 enveloppes, c'est-à-dire 128 votes qui arrivent comme par hasard dans une urne. C'est 10% de trop. Pour être clair, c'est le signe manifeste d'un bourrage d'urnes massif. Dans les faits, il est vrai qu'il manque 128 signatures. Mais peut-on parler de fraude ? Éric Ciotti et les soutiens de Fillon s'en défendent. Ils mettent en avant les dysfonctionnements de cette journée d'élection dont le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, était en charge. Comment expliquer, notamment, que chaque fédération n'ait pas reçu les mêmes moyens pour le même nombre d'adhérents ? Tiens, prenons le cas des Bouches-du-Rhône. Plutôt copéiste, et des Alpes-Maritimes, plutôt filloniste. 22 bureaux de vote ont été mis en place pour la première et les 10 172 adhérents de la fédération, quand la seconde, rassemblant pourtant 12 099 adhérents, n'avait à sa disposition que 11 bureaux de vote, soit deux fois moins. Cherchez l'erreur. Pour les fillonistes, cette organisation pro-copé n'avait pour but que de désorganiser et décourager les militants des fédérations pro-fillon. L'organisation du vote et la double casquette de Jean-François Copé, candidat et patron de l'UMP, est bien sûr au cœur de l'affaire. Le 26 novembre, Dominique Dor, filloniste et trésorier de l'UMP, annonce sa démission et accuse le candidat Copé d'avoir utilisé les moyens financiers du parti en sa faveur. Durant ces jours d'impudeur politique, un autre point est souvent mis en avant par le camp filloniste, le problème des procurations. Jean-François Copé a reçu près de 30 000 voix par ce biais, quand son adversaire en a rassemblé trois fois moins. Et alors, les copéistes parlent d'une meilleure organisation, voilà, rien de plus. Non, c'est une récolte minutieusement menée, répond un ancien militant de l'UMP, soutien de Jean-François Copé, en l'occurrence Rodolphe Chrétien Lepage, qui explique la méthode dans un numéro de complément d'enquête de France 2. On avait imprimé un tas de feuilles de procuration avec les imprimantes portatives qu'on avait emmenées sur place pour les pousser, s'ils pensaient ne pas voter, ou avoir du mal à voter, les pousser à nous donner leur carte d'identité pour la photocopier et leur faire remplir une procuration. En fin de compte, ils nous remplissaient des procurations à moitié vierges. Et nous, on était ensuite en charge de redistribuer ces procurations à moitié vierges aux éventuels mandataires qu'on savait copéistes. Alors oui, le 18 novembre 2012, la triche s'est invitée à tous les étages et a embarqué l'UMP dans sa crise la plus importante depuis 1995. Malgré les appels de la part de certains militants pour un nouveau vote, dont Nathalie Kosciusko-Morizet se fait le porte-parole, ou les offs finement distillés de la part de Nicolas Sarkozy appelant les deux hommes à la raison, rien n'y fait. La guerre des chefs continue, une sorte de guerre punique, à défaut d'être pudique. Au lendemain de l'échec de la médiation d'Alain Juppé, François Fillon envoie même un huissier au siège de l'UMP pour mettre sous scellé les documents électoraux. Quelques jours plus tard, la Commission nationale de recours déclare Jean-François Copé une nouvelle fois vainqueur avec 952 voix d'avance. Nouvel écart qui s'explique par l'annulation de plusieurs bureaux de vote. François Fillon ne reconnaît pas la légitimité de cette instance et le 27 novembre, il utilise sa dernière carte. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents dans les 3 mois. Sous le contrôle d'une commission indépendante, dans l'attente de cette nouvelle élection, j'ai décidé, avec les députés qui me suivent, de constituer un groupe parlementaire qui aura pour nom le Rassemblement UMP. C'est sans doute le paroxysme de la crise au sein de l'UMP. Alors, qui va céder ? François Fillon ira-t-il jusqu'au bout ? Son groupe parlementaire dissident va-t-il déboucher sur la création d'un nouveau parti de droite ou n'est-il qu'un moyen de pression pour faire craquer Copé ? Après plusieurs jours de suspense, les députés du RUMP, ainsi s'appelle ce parti dissident, décident d'affilier les ressources du groupe à la maison mère, histoire tout de même d'éviter la faillite financière de l'UMP. Le 4 décembre, le groupe constitué de 73 députés est officiellement doté d'un temps de parole. Le camp UMP se scinde en deux à l'Assemblée, la plaie est béante. En coulisses pourtant, ce début du mois de décembre, c'est aussi le moment des retrouvailles. Entre le 3 et le 10, les deux hommes se rencontrent à 5 reprises. Les discussions sont difficiles, évidemment. Chacun propose son calendrier, ses doléances. Mais c'est du côté du camp Copé que l'unité se fissure un peu. Face à la création du RUMP, de nombreux parlementaires ne souhaitent pas sombrer avec le navire. C'est le cas de Jean-Pierre Raffarin, sénateur, soutien de Jean-François Copé, qui n'hésite pas à menacer son champion de quitter l'UMP pour le centre. Copé pose un genou à terre, pas question de laisser partir un ancien Premier ministre. 4 jours plus tard, Jean-François Copé et François Fillon trouvent un accord de sortie de crise. Ils décident qu'une nouvelle élection aura lieu en septembre 2013, avec de nouvelles règles et de nouveaux statuts. Le 15 janvier, le RUMP de François Fillon est dissous. Le 17, Jean-François Copé présente la nouvelle équipe dirigeante de l'UMP, où tous les postes sont doublés. Sur la photo de famille, on observe les sourires figés des ennemis d'hier, Valérie Pécresse, Michel Tabarot, Laurent Wauquiez, Rosé Carucci, Éric Ciotti. François Fillon, pourtant co-président, est absent de la photo souvenir. Il en a conscience. De cette bataille de chiffres et de mots, lui, le favori, est sorti vaincu. Quelques semaines après, en février 2013, il rassemble ses militants à la mutualité, ici même où Nicolas Sarkozy avait délivré son dernier message, le soir de la défaite, en mai 2012. Ne cherchons pas d'excuses. Ne cherchons pas de sauveurs. Parce qu'en République, ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sauvent ou qui se perdent. Nous devons tous refaire nos preuves. Et moi, le premier. Le devoir de l'opposition est de se préparer et de préparer la France à se relever. Nous avons 3 années pour réussir. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à marcher à mes côtés ? Êtes-vous prêt à marcher sur le chemin du rassemblement et de la reconquête ? Êtes-vous prêt à traverser les doutes, les attaques et les vents contraires ? Êtes-vous prêt à tenter cette aventure ? Alors, si vous l'êtes, nous irons au-devant de toutes les forces françaises et nous les réveillerons. Nous les entraînerons et vous verrez qu'elles nous porteront au-delà de nos propres espérances. François Fillon reprend le chemin de la campagne. 2 ans plus tard, il croisera sur cette route Jean-François Copé, finalement poussé à la démission le 15 juin 2014, rattrapé par l'affaire Bigmalion, du nom de la société de com dirigée par l'un de ses proches et accusé d'avoir surfacturé les meetings de la campagne de 2012. Et revoilà Nicolas Sarkozy, lui qui le 6 mai 2012 avait prévenu que sa place ne pourrait plus être la même. Il redevient président de l'UMP, il en change même le nom, les Républicains. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la route n'est pas dégagée pour François Fillon, il y a même embouteillage. Alors une autre bataille commence, celle des primaires de 2016. La primaire. Un exercice auquel la droite néo-gaulliste n'est pas habituée, c'était pas dans son ADN. Voilà qui promet, peut-être, quelques nouvelles réjouissances. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la bataille Copé-Fillon pour la présidence de l'UMP il y a 4 ans. Notre invité Alain Auffray, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes journaliste au journal Libération, notre partenaire. Avant de revenir sur l'actualité de ce week-end, bien sûr, c'est cette continuité, cette résonance tellement forte avec ce qui s'est passé il y a 4 ans. Eh bien, revenons sur cette incroyable bataille entre Jean-François Copé et François Fillon pour prendre la tête de l'UMP. François Fillon s'est lancé dans cette bataille, je crois que vous en avez été témoin, et surtout témoin de la raison principale pour laquelle il s'était lancé dans cette bataille. Oui, effectivement. Moi, j'ai un souvenir très précis d'un des premiers déplacements de campagne de François Fillon pour donc cette bataille contre Copé pour la conquête de la présidence du parti. On est dans un TGV, on va vers l'Est, et je lui demande, mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Chef de parti, c'est pas votre truc, voilà, ça n'a pas trop de sens. Et il nous explique, texto, il faut que j'y aille, parce que si j'y vais pas, Copé n'organisera pas la primaire. Autrement dit, la bataille dont on va parler de 2012, cette bataille Copé-Fillon, c'est une bataille pour la primaire, pour l'organisation d'une primaire à droite. Et c'est le combat de Fillon. C'est pas la présidence du parti, son combat. Son combat, c'est la primaire, exclusivement la primaire. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il l'a gagné, hein, ce combat. Puisque la primaire, on y reviendra, mais elle est organisée, elle est sanctuarisée à partir de 2013. Elle est gravée dans le marbre des statuts du parti, et c'est le combat de Fillon, ça. Jean-François Copé, lui, pourquoi ne veut-il pas organiser une primaire? Parce qu'il veut rester dans cette tradition de ce parti-là, bonapartiste, c'est-à-dire un chef, tout le monde suit, et de préférence que ce soit lui. Enfin, il y avait Nicolas Sarkozy également. Oui, mais alors, ce qui est très particulier, c'est que, effectivement, Jean-François Copé, il est dans la tradition bonapartiste, on va dire. Ces histoires de primaire, c'est bon pour la gauche, pas pour nous, donc pas question. Mais Copé se présente contre Fillon, il a aucune chance, objectivement. Aucune chance. Hein. Le seul moyen de gagner, c'est l'alliance avec Sarkozy. Et c'est peut-être dur à comprendre aujourd'hui, vu ce qui se passe. Mais en vérité, Jean-François Copé gagne, alors on va... gagne entre guillemets, hein, en tout cas réussit à faire presque jeu égal avec François Fillon dans cette bataille, en disant aux militants UMP, puisque ce ne sont que les militants qui votent, en leur disant, votez pour moi, vous aurez Sarkozy. Puisque dès l'été 2012, à Château-Renard, il dit lors d'un meeting, moi, je me tiendrai, quoi qu'il décide, toujours aux côtés de Nicolas Sarkozy. Parce que tout le monde a en tête, déjà, hein, contrairement à la fable de la retraite, etc., tout le monde a en tête déjà qu'il va revenir. Mais oui. Donc là, il y a un jeu de billard à plusieurs bandes, on comprend avec ce recul-là que les Français n'aient pas compris et aient vu seulement une bataille entre deux égaux, deux carrières qui voulaient se construire. Comment les Français peuvent-ils comprendre de tels jeux politiciens? Parce que là, on est dans la pratique florentine de la politique. Non, non, mais c'est effectivement extrêmement complexe. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que les journalistes eux-mêmes qui étaient amenés à écrire sur cette histoire aient bien compris tout l'enjeu de cette histoire, notamment le jeu très particulier de Nicolas Sarkozy et des sarkozistes. Parce que c'est vrai que on connaît Jean-François Copé, c'est pas un enfant de cœur. On sait qu'il a des ambitions présidentielles lui aussi. Donc, est-ce qu'ils ont raison de croire que Copé, effectivement, roule pour Sarkozy, qui va s'effacer au moment du retour? Au fond, ce qu'ils pensent, eux, je le dis maintenant, c'est que Nicolas Sarkozy, le moment venu, ne fera qu'une bouchée de Copé, hein, qui aura tenu la boutique le temps de la retraite, et il n'y aura aucun problème. C'est assez saisissant de voir comment, 4 ans après, tous ces scénarios, ces plans sur la comète s'écroulent. Hein, au profit d'un scénario qu'on n'attendait tellement pas. Alors le drame, on va y revenir, le drame de cette élection du 18 novembre 2012 se déroule précisément le 18, jour du vote, et nuit de déroute. Donc en pleine nuit, François Fillon sort de son lit, hein, et débarque à l'UMP pour demander à la commission de vérification, la COCOE, vous vous souvenez, de poursuivre ses travaux. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là, entre le premier soutien Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, et le candidat Fillon? Qu'est-ce qui se négocie là? D'ailleurs, il est sorti de son lit, plus exactement, hein, parce que ce sont des soutiens de Fillon qui connaissent, qui sont plus méfiants encore que lui. Lui-même était un peu méfiant, mais pas suffisamment, et qui lui disent « Fais gaffe, hein, c'est Barouin qui l'appelle, et qui lui dit laisse pas tout seul cette nuit, sinon demain matin Jean-François Copé se proclame vainqueur et c'est foutu. » Et c'est pour ça que François Fillon, ces images ont été filmées par toutes les caméras. François Fillon se rend, il est 4 heures du matin je crois, et se rend rue de Vaugirard au siège du parti pour regarder ce qui se passe, voir qu'effectivement il y a une confusion, la confusion est la plus totale, et fait savoir son mécontentement à ce moment-là. Le rôle maintenant de Jean-François Copé et de son directeur de cabinet de l'époque, Jérôme Lavrieux, c'est, alors, je pense que Lavrieux à ce moment-là joue un rôle important, c'est-à-dire que c'est lui qui dit à Jean-François Copé, vous avez gagné et il faut que vous le disiez. Ce qu'il va faire. Et c'est d'ailleurs assez malin, hein, de la part de Lavrieux, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de militants qui ont voté pour Copé, donc se proclamant vainqueur, il a des soutiens, Copé, hein, il a donc tous les sarkozistes, il a aussi Jean-Pierre Raffarin, faut pas oublier, donc il y a quand même du monde avec lui. Donc se proclamer vainqueur, ça crée une dynamique d'une certaine manière, hein, voilà, on tourne la page, c'est fini, ils espèrent vraiment que ça va marcher comme ça. Et alors 4 ans après, ce même Copé fait 0,3%, qui est un score plus bas que le plus bas de tous les scores. Comment est-il arrivé presque à l'exploit de faire 0,3? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, c'est ahurissant quand même, 0,3. Oui, il y a eu une dégradation terrible de son image, à la fois parce qu'en fait il y a eu deux épisodes. Il y a celui-là dont il s'est pas si mal tiré, puisqu'il va venir, il a réussi à tenir le parti dans des conditions épouvantables, mais il a quand même réussi à tenir le parti avec un fort soutien des militants. Et puis après, il va y avoir 2 ans plus tard, en mai 2014, l'épisode Big Malion, et oui, qui va achever de le décribiliser aux yeux non seulement de l'opinion publique, mais même de la base militante qui lui était plutôt acquise. Alors, cette élection est la première fracture au sein de l'UMP. Plus tard, c'est l'affaire Big Malion, effectivement, on disait, qui oblige Copé à démissionner. Cette démission sonne la fin de l'UMP et donc le retour de Nicolas Sarkozy, lui qui était redevenu un Français parmi d'autres, disait-il. Le 29 novembre 2014, c'est donc Nicolas Sarkozy qui l'emporte avec 64,5% face à Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Écoutons sur ce point, c'est intéressant, la réaction d'Alain Juppé. Je félicite Nicolas Sarkozy pour sa victoire. Je lui adresse des félicitations très amicales. À lui maintenant de redonner à l'UMP l'élan qu'elle attend. Et pour cela, il faudra rassembler, bien entendu. C'est pas dans le conflit interne qu'on peut faire avancer les choses. Il faut apaiser et il faut rassembler. Donc c'est à lui maintenant de prendre l'initiative. C'est lui le président. Et nous verrons les uns et les autres comment nous pouvons l'aider, puisque bon, je suis prêt à l'aider, bien sûr, on est sur la ligne que j'ai indiquée, large rassemblement de la droite et du centre. On verra pour les primaires. Nous avons un président, Habemus. Papa. Oh, pardon, j'ai cherché président en latin, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Vous avez entendu Alain Juppé qui dit « rassembler », il dit trois fois, au moins deux fois, en une minute. Et ce rassemblement, ça ne rassemblait que 28%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Alors là, on voit, d'ailleurs, en réécoutant ce son, on voit qu'Alain Juppé, il est pas très politique. Il aime pas beaucoup cet aspect-là de la politique, le côté cuisine. Parce que, en vérité, il fait semblant de pas comprendre. Nicolas Sarkozy, il est pas venu pour rassembler le parti. Il est pas venu pour réconcilier la famille. Il est venu à cause de l'affaire Big Malion. Il est venu parce que l'affaire Big Malion a décapité le parti et fait disparaître Copé, dont on vient de parler du rôle qu'il avait dans toute cette séquence-là. Donc, le parti sans Copé, si Sarkozy revenait pas, il y avait le risque que d'autres prennent le parti et que du coup, son retour en homme providentiel devienne compromis. Et donc, à mon avis, la lecture qu'il faut avoir du retour de Nicolas Sarkozy, c'est il revient parce que Copé, qui était d'une certaine manière son homme, son instrument à la tête du parti, a disparu. Et deux, il revient parce que il veut enjamber la primaire. D'une certaine manière, de manière très maladroite, je trouve, Alain Juppé dit pour la primaire, on verra, pour les primaires, on verra, dans ce qu'on vient d'entendre. En vérité, il aurait dû insister tout de suite. D'ailleurs, il est déjà candidat à ce moment-là, lui-même. La primaire, c'est l'élément essentiel. Et Nicolas Sarkozy aurait réussi une chose dans son opération retour. C'est qu'il a réussi, je crois, même auprès de l'opinion, à faire croire qu'il est revenu pour pacifier le parti, et pour organiser cette primaire. En vérité, pas du tout. Ça lui a complètement échappé. Ce qui a pacifié le parti, c'est la primaire, justement. Oui. Le fait qu'il y a un Yalta qui a été signé avant l'affaire Big Malion et donc avant le retour de Nicolas Sarkozy, un Yalta entre Copé et François Fillon. Et ce Yalta, je l'ai dit tout à l'heure, il grave dans le marbre des statuts la primaire. Et c'est ça qui crée les conditions d'une coexistence pacifique. Pas du tout le retour de Nicolas Sarkozy. Et François Fillon, donc pendant 4 ans, prépare le terrain, laboure le terrain, c'est selon l'expression consacrée, met en place un programme. Est-ce qu'à votre avis, il y croit lui-même, ou est-ce qu'il est lui-même surpris par le fait que les Français, de droite, peut-être même d'autres d'ailleurs, adhèrent à ce discours-là? Est-ce qu'il y a, même pour lui, un phénomène de surprise, ou est-ce que tout cela est planifié depuis 4 ans de façon quasi scientifique? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que on peut quand même s'interroger. Il est en campagne, lui, depuis 2012, sans cesse. Oui, sans cesse. Il n'a pas arrêté de tourner. Et au mois de mai, de cette année, 2016, il est à 7%. Derrière, assez loin derrière à ce moment-là, Bruno Le Maire, il y a vraiment de quoi désespérer complètement. Et pourtant, lui, et son directeur de campagne, qui joue un rôle très important, Patrick Stefanini, ils disent à leur soutien, qui sont encore nombreux, parce que les parlementaires aiment beaucoup François Fillon, donc ils sont encore toujours nombreux autour de lui, ils leur disent « ça va se jouer dans les dernières semaines ». C'est syndrome Chirac 95. Ça, oui, tout à fait. Stéphanie était directeur de campagne de Chirac en 95. Voilà. On va écouter un extrait d'un discours de François Fillon. Alors c'est intéressant parce que c'est en août dernier, ce qui nous paraît à la fois très proche et aussi très loin par rapport à ce qui s'est passé. On écoute. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir et singulièrement de la fonction présidentielle. Notre Constitution ne fait pas du président de la République un PDG et encore moins un sultan turc. Le président de la République ne devrait pas être un président de faits divers, prenant la parole à tort et à travers, usurpant la direction du gouvernement, multipliant les petites promesses démagogiques et occupant les rubriques mondaines. Ça a été un tournant, ça, cette déclaration-là, qui est célèbre, dans le parcours de François Fillon. Oui, on l'a pas vu tout de suite, mais ça a été... Comme d'habitude, le recul, c'est saisissant. Oui, ça a été un tournant. Et là, faut dire qu'il a vraiment été gonflé, François Fillon. Parce qu'il a devant lui des gens qui ne savent pas qu'il va dire ça. Et puis, pas n'importe qui, le président du Sénat, Gérard Larcher, le président de la région Pays de Loire, Bruno Retailleau. Et lorsqu'il prononce cette phrase, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, ils sont soufflés. Ils se disent quand même, il exagère. Donc, et même dans le public, les gens sont quand même un peu choqués. Il va vraiment très fort. Et très peu de gens étaient au courant C'était pas écrit dans son discours. Personne ne savait qu'il allait dire ça, sans doute, sauf la garde vraiment très rapprochée. Et on peut dire effectivement que ça a eu son efficacité, parce que même si c'est un homme qui dit détester la communication politique, et c'est vrai qu'il en fait pas beaucoup, il a bien compris que là maintenant, on approchait du sprint final, et il fallait quand même qu'on se souvienne qu'il était dans la bataille, François Fillon, qui était pourtant très bas dans les sondages. Et en prononçant cette phrase, il a réussi effectivement à ressurgir, à être beaucoup plus présent. Et ça a été un des éléments de la fusée Fillon, ce discours de Sablé, qui a permis le décollage si rapide. Et pourtant, comment les Français, qui dans leur majorité souffrent sur le terrain social, peuvent-ils être séduits par un programme qui est un programme dur, et je le dis d'autant plus facilement que Fillon le dit lui-même. Il dit oui, c'est brutal. Brutal, il le dit, oui. Comment, encore une fois, une société qui souffre peut-elle être attirée par un programme qui propose quand même de la sueur et des larmes? Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'ils soient attirés par le programme. Je pense qu'ils sont séduits par une manière de faire de la politique. C'est-à-dire que ce qui a été plébiscité de manière spectaculaire au premier tour, c'est un discours qui tranche radicalement avec ce qu'on entend à droite avec Nicolas Sarkozy, mais aussi à gauche, on pourrait citer des noms. C'est une forme de politique spectacle, etc. Tout le monde l'a dit, mais c'est sans doute vrai. Il a marqué des points quand, sur France 2, il a dit à Charline Van Anecker qu'il trouvait que c'était pas le moment ni la place de faire de l'humour. Il a gagné des points dans le débat, dernier débat télévisé, lorsqu'il a pris la main sur les journalistes et qu'il a dit à El Kabach, on n'est pas là pour faire de la politique spectacle. Tout ça, ça a plu. Voilà. Alors, je cite votre directeur de journal, Laurent Geoffrin, dans son édito d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit. « Avec Carla, c'est du sérieux, disait Sarkozy. Avec Fillon, c'est du lugubre. Bonjour, tristesse, la droitisation de la droite a trouvé son chevalier à la triste figure. » Et je cite aussi cette phrase, qui est jolie, jolie formule de Laurent Geoffrin. « Nous avions l'État-providence, nous aurons la providence. » Sans l'État. Bon, ça correspond quand même un petit peu au programme de François Fillon. Oui, oui, oui. Non, mais bon. C'est un programme. Alors, c'est ça l'intérêt. La campagne d'entre-deux tours est un peu courte. Je pense, peut-être malheureusement pour Alain Juppé, parce que ça suffira sans doute pas, mais je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour lui, de mettre à jour l'extrême brutalité, encore une fois, c'est assumé, de ce programme. Est-ce que vraiment vous avez envie de ça? Y compris l'électorat de droite, la question peut se poser. Donc, Laurent Geoffrin a raison, effectivement, de dire qu'on est dans une potion libérale d'une violence inédite. Sur le caractère lugubre du personnage, c'est... Je le dis parce que je le connais un petit peu. C'est un peu sévère parce qu'au fond, Fillon n'est pas quelqu'un d'aussi lugubre et triste qu'on le dit. Il est plutôt assez marrant. Il a beaucoup d'humour. Et c'est un peu un portrait cliché, je dirais. Bon, alors un point important. La famille, la religion, la droite catholique soutient François Fillon parce que François Fillon a un discours qui porte cela. Est-ce qu'avec François Fillon, les catholiques sont redevenus une force politique avec maintenant une incarnation et un leader qui ferait pendant à l'islam politique en France? C'est une thèse qu'on voit, qu'on entend. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette dimension-là? Oui, non, mais ça a joué, évidemment. Tout à l'heure, je parlais de la fusée Fillon et je disais qu'un des étages, c'était sans doute ce meeting de Sablé. Un autre étage, ça a été un rassemblement qui est passé un peu inaperçu au mois de mai ou juin de cette année, au Cirque d'Hiver à Paris, pour les chrétiens d'Orient. C'est un rassemblement où toutes les associations catholiques, etc., étaient représentées. Tout le monde était là. Le héros, enfin la vedette de cette soirée, c'était François Fillon et son discours. Et ça a beaucoup marqué dans certains milieux. Et donc, effectivement, il en a conclu que c'était sans doute ce qui manquait, parce qu'il était jusqu'à présent, depuis 2012, uniquement dans une campagne sur les sujets économiques. Et puis voilà, tout d'un coup, il s'est emparé de cette question-là, il a pris cette initiative, ce meeting, il a écrit son livre sur le totalitarisme islamique, oui. Et tout ça a effectivement, je pense, contribué à lui donner une crédibilité que n'avait pas Sarkozy, parce que Sarkozy s'était bien avant lui emparé de ce sujet, mais il l'a fait en parlant des menus cantines scolaires, oui. et Fillon a dit non, c'est pas un sujet, on n'a pas un problème de signes religieux, on a un problème avec le fondamentalisme islamique. François Fillon, le succès de François Fillon, qui devrait se confirmer quand même dimanche, sauf nouvelle surprise, est-ce que c'est une épine dans le pied pour Marine Le Pen ou non ? Oui, je pense. Je pense que ça complique les choses vraiment singulièrement pour le Front, parce que, encore une fois, la figure de Fillon, c'est-à-dire, il y a un côté comme si la droite était rentrée dans son lit avec Fillon. On la retrouve. Lui qui était sorti de son lit d'ailleurs. Ouais, c'est drôle. Ouais. On la retrouve, voilà, telle qu'elle est souhaitée par son électorat. Il ressemble tellement à la droite que elle s'y sent bien. Et peut-être que bien des électeurs qui sont allés vers le Front parce qu'ils ont décroché avec une droite un petit peu bling bling reviendront plutôt. En tout cas, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Pour Marine Le Pen, ça risque de la renforcer dans son côté, dans l'aspect anti-libéral de son programme. Et sur ce terrain-là, elle a de la concurrence. Elle n'est pas toute seule, hein. Il y a Mélenchon. Alors, la dernière question, voilà, donc succès franc et massif de François Fillon, apparemment, on le répète, un second tour qui va être assez confortable, mais après, jusqu'à la présidentielle. Le terrain est miné, quand même. Si François Bayrou se présente, il y a évidemment Emmanuel Macron. C'est des gens qui partent avec un certain capital d'intention de vote. Comment voyez-vous la suite du parcours de François Fillon ? Voilà, bon, vu ce qu'on vient de vivre, je ne me risquerais pas trop à des pronostics. Même sur le deuxième, bon, effectivement, sur le deuxième tour, normalement... Il n'y a pas photo, quoi. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc je me risque pas trop. Et même sur la suite, c'est compliqué parce que, alors, le cas Bayrou, c'est assez compliqué. J'imagine pas qu'il se présente contre Fillon. Ce serait quand même compliqué parce que quoi qu'ils en disent au MoDem, il a quand même laissé entendre que ça ce serait pas le cas, hein, qu'il a plusieurs fois manifesté son respect pour François Fillon. Donc moi ça m'étonnerait. En revanche, le sujet Macron est plus intéressant. Le sujet Macron est plus intéressant parce que là on peut avoir, si jamais l'opération Macron fonctionne, ce qui est loin d'être certain, mais on peut avoir un affrontement très intéressant sur la modernité. Hein. Macron, lui, il est capable, c'est le seul homme politique français en ce moment à être capable de parler, enfin en tout cas, un des seuls, à être capable de parler pendant 2 heures sans dénoncer le communautarisme, agiter l'islam, etc. Il est vraiment le seul à faire ça. Et ça peut créer une opposition très intéressante sur qu'est-ce que c'est que la France de demain entre Macron et François Fillon. Donc moi je pense que pour Macron ça ouvre plutôt un espace. Quelle allure aura la primaire de la gauche après le succès de celle de la droite ? Je rappelle 4 millions de participants. La gauche était novatrice avec sa primaire il y a 6 ans. Aujourd'hui, elle paraît plus novatrice. C'est même la droite qui paraît novatrice, alors que quand même l'idée de la primaire a été inventée par la gauche. Mais bon. C'est vrai. Alors, à mon avis, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal à être à la hauteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette primaire, encore une fois voulue par Fillon depuis longtemps, etc., elle a été organisée avec un professionnalisme assez extraordinaire. Il y a une haute autorité indépendante, un comité d'organisation indépendant. Ils ont travaillé comme des dingues pendant 1 an et demi à trouver les 10 300 bureaux, à trouver les assesseurs, etc. Et c'est extrêmement bien organisé. D'ailleurs, on l'a vu dimanche. Les socialistes sont un peu dans l'improvisation. Ils savent toujours pas exactement. Enfin bref, il y aura beaucoup moins de bureaux de vote. Sans être désobligeants, ils n'auront pas 2 anciens premiers ministres, un ancien président de la République, etc. Enfin peut-être un. Donc ce sera pas au même niveau, on va dire, en termes de personnalité. Encore une fois, je ne me risque pas des pronostics, mais les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit un succès comparable. Bien, merci Alain Auffray. Vous suivez François Fillon dans son meeting ce soir, c'est cela ? Probablement, oui. Bon courage et à bientôt. Au revoir, merci. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la bataille Copé-Fillon en novembre 2012, une émission que vous pouvez réécouter sur franceinter.fr en podcast. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'attaque chimique contre les Kurdes d'Alepo par Saddam Hussein, c'était en 1988.